Ben Kozik, chanteur libre en médiathèque, une émission de Commune Oreille sur Radio Zinzine. Le 23 mai 2017, Ben Kozik, un chanteur et guitariste folk, venant de Fougères en Bretagne, est passé par la médiathèque d'Herbès à Manosque, dans le cadre d'une tournée pour présenter son premier EP, petit album de 4 titres qui s'intitule The Storm, un album autoproduit et ensuite diffusé par le label Les Disques Normales. Étant bibliothécaire lui-même, bibliothécaire musicale, discothécaire, Benoît a utilisé le réseau des médiathèques françaises pour se produire devant un public attentif. Et à Manosque, c'était dans la salle voûtée de la médiathèque, en version totalement acoustique. Étant donné que Ben diffuse sa musique sous licence libre, Commune Oreille, une émission de Radio Zinzine qui se focalise sur les musiques diffusées librement, était là avec une double casquette, puisque Jean-Baptiste, votre serviteur, travaille aussi dans le réseau des médiathèques de la DLVA, durant une communauté d'agglomération, Durance, Luberon, Verdon, agglomération. Donc j'étais là avec Patrice, discothécaire à la médiathèque d'Herbès, pour s'entretenir avant la rencontre avec Ben autour de l'histoire de son projet, sa façon de travailler, ses influences musicales et son rapport à la diffusion de la musique. Alors ça tombait bien puisque cette date arrivait juste au moment de la clôture de l'élection du titre libre de l'année 2017, un événement mis en place par Zik Libre en Bib, un collectif de bibliothécaires musicaux qui œuvre à la diffusion et à la reconnaissance dans les médiathèques des musiques diffusées sous licence libre. Alors, bon, maintenant on en parle de plus en plus, vous avez certainement entendu parler de ce mode de diffusion, mais je me permets un petit rappel, on sait jamais. Une diffusion sous licence libre, ça signifie que le créateur, plutôt que de confier ses droits à une société de gestion, comme la SACEM par exemple pour la musique, les gère lui-même et décide de l'utilisation possible de sa musique par les auditeurs, notamment en ouvrant les droits de diffusion qui autorisent l'auditeur à légalement partager la musique, ce qui à l'heure d'Internet est bien la moindre des choses. Vous pouvez reconnaître ces licences libres avec notamment les plus connues qui s'appellent les Creative Commons. On les reconnaît avec un petit CC qui est différent du C entouré dans un rond qui signifie copyright. Voilà, donc cet entretien avec Ben Kozik, un entretien bien sympathique, agrémenté d'exemples sonores parmi ses influences, ainsi que d'extraits de sa prestation scénique qui a suivi et que nous avons enregistré. Et à la fin de l'émission, vous pouvez écouter l'intégrale du concert. Alors, qui est Ben Kozik? L'histoire de Ben Kozik, c'est d'abord l'histoire de Kozik, qui était le nom du groupe que j'avais avec mes amis. Voilà, à 20 ans, je me suis retrouvé dans une répète avec des copains, en mode Hélène et les garçons, dans le garage. Et il n'y avait pas de chanteur, j'ai pris le micro, puis ça a démarré comme ça, et voilà quoi. Donc, j'ai commencé à chanter en improvisant, et j'avais une oreille déjà pour le chant, depuis un petit bout de temps, au collège, je me rendais compte que je chantais peut-être mieux que le voisin, mais moi, j'avais jamais exploité ça, quoi. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment un gros hasard, quoi. Si j'avais pas eu les mêmes copains à l'époque, j'aurais peut-être fait du badminton, quoi. Là, je me suis bien chanté, et puis voilà. Après, le chant est venu au fur et à mesure de la pratique, j'ai jamais pris de cours. Et donc après, voilà, il y a eu les Kozik pendant 2-3 ans, où on a quand même beaucoup répété, beaucoup, voilà, ma voix a commencé un peu à sortir, et puis... Et après, je suis parti travailler. Donc, je suis parti de Reims, je suis allé à Paris, je me suis retrouvé tout seul, juste avec ma voix, et puis j'avais envie de continuer la musique, j'y avais pris goût, et donc je me suis mis à la guitare. Ça, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je commençais déjà, j'ai jamais trop fait de reprises ou quoi, je grattais, je chantais dessus, j'écrivais pas encore, mais voilà, j'avais des petits morceaux que je serais encore capable de jouer, où je chantais en yaourt, j'écrivais pas de texte. Et où est-ce que c'est que le yaourt en gros? Enfin voilà, ouais, voilà again quoi. On est poussant les morceaux, ça fait pas. Et puis voilà, après le projet il a vraiment pris forme là plutôt grâce à mon métier, étant bibliothécaire dans la musique discothécaire. On se réunit une fois par an dans les rencontres nationales des bibliothécaires musicaux, les RNBM. C'était à Rennes. Donc la grosse ville à côté de chez moi, ça se passait dans une salle de concert que je fréquentais assez régulièrement, avec le principe d'avoir une sorte de rencontre entre professionnels sur 2 jours et une scène ouverte et un gros apéro le soir entre les 2 jours. Et là je me suis dit, ah, vas-y, j'aurai peut-être pas 2 fois l'occasion de jouer sur cette scène-là. Donc ça m'a boosté peut-être 5 mois avant. Je me suis dit, j'avais quelques morceaux sous la main, mais pas grand-chose, j'avais rien écrit jusqu'alors. J'avais voilà, mes morceaux qui étaient prêts en yaourt, les lignes de voix, elles étaient là, tout était posé, il manquait plus qu'à écrire le texte. Et c'était, voilà, c'était le dernier blocage, et donc je demandais à une amie qui est prof d'anglais dans un lycée de la ville à Fougères, et qui est une artiste super complète, qui fait plein de choses, qui est vraiment quelqu'un de très très passionnant. Et elle était ravie tout de suite de pouvoir participer à ça. Elle n'avait jamais écrit de chansons, elle avait jamais, elle écrit des choses, mais elle avait, voilà, ce format-là, elle n'avait jamais travaillé dessus. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire avec elle. J'ai écrit les trois premiers morceaux que j'ai joués sur la scène de l'Antipode à Rennes. Ça s'est bien passé, direct. Il y a des collègues qui m'ont dit « Ah, c'est cool, je vais te programmer chez moi. » Et puis voilà, c'est parti. Et puis au fur et à mesure... assez rapidement, j'ai pu faire des concerts avec peu de morceaux, en fait. T'as trouvé un label pour le sortir ? Non, pas vraiment. En fait, je l'ai complètement autoproduit. J'ai pas cherché de label. Je me suis concentré sur avec qui j'allais le faire. Parce que, étant pas un musicien ultra chevronné, pratiquant que la guitare et la voix, je voulais quand même que le disque soit arrangé, que je voulais pas quelque chose qui soit très représentatif de ce que c'est sur scène. Je voulais que ce soit autre chose. Et je voulais me faire plaisir, quoi. Donc, par l'intermédiaire du boulot, j'ai rencontré un super musicien qui a un projet qui s'appelle Making Judy Smile, qui est vraiment dans la pop, voilà, très influencé par la pop anglaise, et puis en même temps aussi le folk américain, la Dylan et la Springsteen en acoustique, ce genre de choses. Le fameux Frédéric Roussigné. Voilà, voilà. Donc, il s'appelle Frédéric Roussigné, son projet, voilà, s'appelle Making Judy Smile, et... lui, au moment où je rentrais vraiment dans l'idée de faire le disque, il venait tout juste d'enregistrer son premier EP. Il était dans cette, voilà, dans cette dynamique-là, et j'apprécie beaucoup sa musique. Et, donc il m'a fait, d'une part, profiter de ses talents de musicien, de son expérience d'avoir enregistré lui-même un disque peu de temps avant, alors qu'il est exactement dans la même situation que moi, en étant amateur, avec un boulot à côté, tout seul sur scène. Enfin, il y a pas mal de points communs. Et donc lui, il avait jamais fait ça, bossé sur la musique de quelqu'un d'autre, donc il était aussi ravi de participer au truc, de sortir sa guitare électrique, alors que d'habitude il joue qu'en plutôt en ambiance folk, acoustique. Et puis voilà, donc après c'est beaucoup des rencontres, et ça m'a assez tenu à cœur à un moment de me dire je veux bosser qu'avec des gens du coin, faire un truc local, Fougères en force. C'est pas du tout ma ville, mais voilà, je m'y suis assez attaché, et puis j'avais envie qu'il y ait cette dimension-là, quoi. Donc tous les musiciens qui participent dessus sont tous dans un périmètre de 10 km autour de la ville, en gros. C'est enregistré dans le café-concert de la ville. Le Coquelicot. Voilà. Donc le Coquelicot. Tu connais les cartes ? Non, mais je crois que t'aimais les Coquelicots, puisque t'allais prendre des photos des Coquelicots. Ouais, je pense que tu vas faire un petit clin d'œil tout à l'heure. Mais ouais, le Coquelicot, c'est un lieu mythique, en fait, de... des cafés-concerts bretons, un lieu qui a plus de 35 ans et qui a été très longtemps tenu par le même patron. Ça vient tout juste de passer à une gestion associative il y a un an et demi, deux ans. Et moi, quand je suis arrivé à Fougères il y a 8 ans, 9 ans, c'est vraiment le lieu qui m'a accueilli, où j'ai rencontré des gens, où je me suis investi associativement dans le lieu, j'ai fait partie du bureau, enfin voilà. Donc un des premiers concerts, des premières parties, c'était au Coquelicot. Arrivé à un moment, voilà, j'ai rencontré Martial, qui dirige un label, qui vit dans le village à côté de chez moi. Un super label qui bosse avec une bonne partie de la scène rennaise, la scène que j'apprécie, moi, plutôt dans un délire folk, un peu progressif. Il y a des super groupes maintenant sur son label qui s'appellent les Disques Normales. Les Disques Normales. Et voilà, je lui ai juste demandé si c'était possible qu'il me fasse de la distribution numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il me mette dans ses tuyaux et que ça puisse partir voilà, en deux secondes sur toutes les plateformes mondiales. Parce que sinon, moi, en tant qu'autoproduit, j'aurais dû passer par un agrégateur numérique, payer pour pouvoir être sur ces plateformes-là. Par exemple, pas être présent sur Indetouch, parce que sur Indetouch, c'est un site sur lequel il n'y a que des labels indépendants. Et en tant qu'autoproduit, il faut que, voilà, il faut qu'il y ait une structure qui fasse la demande pour que je rentre dans le catalogue, et ça prend un temps un peu. Donc après, Martial m'a fait l'honneur aussi, parce qu'il n'a pas fait que le mettre dans les tuyaux, ça engage aussi quand même son travail et son nom, quoi. Donc il a écouté le disque et puis il m'a pas dit oui que pour me faire plaisir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, de me dire, ok, un mec comme ça qui bosse avec des super groupes, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller écouter Mermont, Bumpkin Island. Alors écoutons des extraits de ce label, les Disques Normal, qui assure la production numérique de l'album The Storm de Ben Kozik, et qui a une production effectivement très intéressante, et qui est notamment accessible sur Indetouch, la plateforme indépendante de musique en ligne, qui est disponible gratuitement pour les abonnés des médiathèques de la DLVA, qu'on se le dise. Tout d'abord, écoutons le morceau Karel Frakapan du groupe rennais Mermont, un grand orchestre post-pop de 11 musiciens dans la mouvance de la nouvelle pop psyché indé française, un morceau faisant beaucoup penser au groupe américain Animal Collective. Écoutons maintenant un morceau d'un autre groupe breton également, aussi un grand orchestre, 8 musiciens, une formation pop-folk qui s'appelle Bumpkin Island, dont Ben vient de nous parler. Et c'est un morceau tiré du dernier album qui est sorti en 2017, et le morceau s'intitule Spectacular Lives. Et Bumpkin Island, ça surprend par un son assez particulier, hein, qui permet de planer, de s'évader, presque s'envoler. C'est assez proche des groupes américains Arcade Fire ou du finlandais, des Finlandais Sigur Rós. Last star is watching you at night, skin in the dark. Lost star is watching you at night, eyes closing light. Just my dreams like fragrance come apart, blood of the night. Love, cut the rope and leave your new spectacular life. Call spectacular feeling, spectacular voice. Ok. Au niveau de tes influences musicales, tu peux nous citer des morceaux qui sont importants ? Ouais, je pense que ce qui ressort le plus, enfin, ce que j'ai écouté le plus ces 15 dernières années, c'est Jeff Buckley. Vraiment, lui, il disait que Nusrat Fateh Ali Khan, c'était son Elvis. Moi, c'est Jeff Buckley, c'est mon Elvis. Ça fait 20 ans qu'il est mort cette année. Ouais, quasiment jour pour jour en fait là. Il y a quelques jours là, oui. Ouais. Mm. Voilà, donc Jeff Buckley, après dans le registre folk, il y a Bon Iver aussi qui m'a beaucoup. J'ai beaucoup écouté For Emma Forever Go, l'album, son premier album. Sur scène assez régulièrement, je reprends des titres du disque qui s'appelle Flume. Et là pour le coup c'est facile à la guitare. Donc je peux me permettre de jouer. Et voilà, Bon Iver, j'en oublie 25 000. Nick Drake, beaucoup, ouais, j'ai beaucoup écouté Pink Moon, c'est un peu des clichés de dire tout ça, mais voilà, c'est des grands disques, c'est des choses. C'est aussi voilà, le côté un peu fragile, et voilà, c'est ce que j'essaye au maximum de faire quand je suis sur scène aussi. d'aller chercher un peu la fragilité, et puis de... Je sais qu'il y a un plus chiant qu'un chanteur qui fait tout parfaitement, et qui chante tout juste, la fragilité, l'émotion, elle est aussi dans le petit défaut, Alors, je fais pas exprès de faire des erreurs, mais... de toute façon, je suis pas à un niveau où où c'est tout le temps parfait, mais... essayer d'être au plus proche de l'émotion, puis d'être sincère, et puis... c'est des artistes qui sont vraiment là-dedans, et... Alors, dans ces influences de Ben Kozik, donc Bon Iver revient souvent. Bon Iver, c'est le nom du groupe du chanteur et musicien américain Justin Vernon. Et on va écouter du coup un extrait de cet album dont il parlait, la Forever, Forever Ago, un album autoproduit, son premier album, Justin Vernon, sorti en 2007 et complètement autoproduit, mis en écoute sur un site et qui lui a permis d'être remarqué par un label assez important aux États-Unis qui s'appelle Yag Yag Gouvar et qui assurera la distribution de cet album en 2008 et ensuite. Gros succès pour ce groupe, Bon Iver. Et on va écouter donc un extrait de cet album, La Forever, Forever Ago, un morceau qui s'appelle Skinny Love. Ooh. Et cette autre grosse influence, Jeff Buckley. Jeff Buckley, c'était un chanteur et guitariste américain également, mais d'une autre époque, puisqu'il est décédé donc 10 ans pile poil avant la sortie de l'album de Bon Iver dont on vient de parler. Et il y a tout juste 20 ans, puisque c'était en mai 1997. C'était le fils du chanteur Tim Buckley. Et il a sorti un seul album studio, Grace, en 1994. Et est décédé donc par noyade il y a 20 ans. Et on va écouter cette reprise de Leonard Cohen du morceau Alléluia. On va pas écouter la version studio qui avait fait un grand succès, mais une version live qu'il avait enregistrée live à Chicago en 1995. Ce sera seulement un extrait parce que c'est une version très très longue, mais qui montre bien du coup la présence que ce Jeff Buckley pouvait avoir sur scène, et c'est assez impressionnant. A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. This floor, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken heart. Nick Drake. Nick Drake, c'était un musicien de folk britannique. Et Pink Moon, c'est le troisième et c'est son dernier album, sorti en 1972. Alors, petite anecdote sur cet album-là, il a été enregistré de nuit, deux sessions de 2 heures, en octobre 71. Et dans l'album, il n'y a uniquement que la guitare et la voix de Nick Drake. Seule la chanson-titre, celle qu'on va écouter, Pink Moon, comprend un piano vers 2B. Donc joué également par Drake en superposition. I saw it written and I saw it say Pink Moon is on its way. Je crois que tu as dit, les textes sont importants, mais l'essentiel est que ça sonne. Une phrase de toi, ça. Ouais, copyright, Benoît Noël. Ouais, c'est vrai, c'est ma culture, c'est la culture anglo-saxonne aussi, ouais. Et j'ai beaucoup plus une culture anglo-saxonne où, voilà, you say yes, I say no, you say goodbye, I say hello, c'est... voilà, faut que ça sonne, faut que ça ait du rythme, faut que... C'est aussi beaucoup plus facile pour moi d'écrire en anglais aussi pour ça, parce que je peux écrire des choses assez premier degré, même si c'est pas tout le temps le cas, mais... Enfin, dans le processus, en gros, d'écriture, je pars de la musique, je trouve, voilà, des enchaînements qui me plaisent, je commence à poser une voix dessus en yaourt, je crée... plutôt en improvisant ma ligne vocale au fur et à mesure que j'enregistre rien en fait. Je joue, si le lendemain je me souviens, c'est que c'était plutôt intéressant. La ligne de voix, c'est pareil, au fur et à mesure il y a quelque chose qui se met en place, des mots qui reviennent, qui se posent, voilà, que je vais... Par rapport à la sonorité. Ouais, alors mes yaourts, c'est quand même, si quelqu'un connaît pas l'anglais, il va penser que je chante une vraie chanson, quoi. Je suis devenu assez expert en yaourt. Ça m'est arrivé de faire des concerts uniquement en yaourt, genre des fêtes de la musique où j'improvise avec des copains, et puis les gens à la fin viennent me dire ah, c'était bien vos textes et tout, alors que j'ai fait du Hollywood chewing gum pendant une heure, quoi. Voilà, une fois que ça s'est posé, j'ai ma musique, j'ai mon chant, ma ligne de voix qui bouge plus, voilà, je vais voir Anne et puis on écrit vraiment en collant au yaourt, quoi, en respectant le nombre de pieds, en respectant tout ça, quoi. Et limite le lendemain, je suis capable de chanter la chanson avec les paroles. Et voilà, si j'écrivais d'abord et que je devais faire coller mon texte sur une musique, ça grouverait pas du tout de la même façon, je pense. Et moi, c'est vraiment très important que la voix, elle coule, que ce soit imbriqué dedans, que ce soit plus un instrument, que... voilà. C'est pour ça que c'est en plus la culture anglo-saxonne qui est comme ça, que la culture française où le texte est proéminent, où c'est vraiment la chanson à texte, quoi. Mmh. La chanson, le texte est devant, la musique est plus en accompagnement. Et là, du coup, le texte qui arrive à la fin a un sens quand même, mais ouais. Est-ce qu'il correspond au sens que tu voulais mettre dans ta chanson? Est-ce que, effectivement, ton texte correspond, enfin, rejoint le sens que tu voulais? Ouais, alors pendant très longtemps, je peux les chanter sans avoir de sens particulier, il y a une émotion qui se dégage. Mmh. Et après, des fois, c'est un mot qui ressort dans mon yaourt qui va me dire « Tiens, en fait, il y a peut-être une part d'inconscient, j'ai envie de parler de ça. » Ou des fois, j'arrive chez Anne avec la musique, le texte, et puis j'ai aucune idée de ce qu'on va raconter. Puis on discute, on prend l'apéro. Et puis voilà, je me dis « Tiens, on va parler de ça, on va essayer de partir là-dessus. » La plupart du temps, quand même, j'essaye d'avoir une idée, quoi. Et pour pas lui faire perdre de temps. Donc voilà, j'arrive, je lui dis tiens, j'ai envie d'écrire une chanson sur cette phrase que m'a dit mon fils, que j'ai trouvé super jolie, et puis on va broder là-dessus, quoi. Tu crois que c'est un travail que tu pourrais faire avec le français aussi, ça? C'est-à-dire de... créer les paroles après et les faire sonner juste, mais avec la langue française. Là, ce serait peut-être un cheminement plus personnel, tout seul. Ou je sais pas, il faudrait que j'essaye aussi avec Anne, parce que moi, elle parle français aussi, accessoirement. Je sais que j'adore ce travail à deux, de ping-pong et de... Mmh. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui bouillonne, quoi. C'est un personnage, cette Anne, non? Elle est, ouais, prof, éditrice. Qu'est-ce qu'elle fait? Encore auteur de BD, je crois. Ouais, alors, ouais, elle était à 2 ans de la retraite et elle a démissionné de l'éducation nationale parce qu'elle en avait marre. Voilà, ce genre de personnage complètement libre et très inspirant aussi, quoi. Parce que c'est très rare de rencontrer des gens si libres. Elle et son mari sont vraiment des gens incroyables, quoi. Oui, donc elle peint, elle dessine, elle vient tout juste de sortir ce qu'on appelle un roman graphique, c'est un pavé qui raconte la conception de sa maison, une sorte de maison fabriquée avec que des matériaux de récupération, enfin, c'est un peu la maison du facteur cheval en Bretagne, quoi. C'est un endroit complètement délirant. Et voilà, donc après, mais le français, ouais, c'est... ce sera peut-être un cheminement futur, mais je pense que ça me demandera beaucoup plus de travail, quoi. pour être satisfait de mes textes en français. Quand je relis les textes que j'écrivais il y a 15 ans, j'ai l'impression de lire du Kyo, quoi, c'est pitoyable. Enfin, bon, c'est... Et puis pour le yaourt. Ouais, ouais, bah après je pourrais partir de yaourt quand même en anglais, et puis après c'est... t'as une rythmique, t'as un nombre de pieds, tu peux coller la langue que tu veux dessus. Mais ouais, je pense que ça demanderait beaucoup plus de travail, quoi. Donc... mais ce serait bien, ouais, parce que je vois dans les concerts que les gens sont frustrés de ça, ouais. Ils veulent comprendre, ils ressentent les choses, mais il y a quand même une frustration, quoi, parce que cette culture de la chanson à texte, elle est très très forte en France. Et... Donc voilà, pendant les concerts, je parle beaucoup, j'explique beaucoup les choses, surtout de ce fait-là, en fait. Avec un peu d'expérience, là, je me rends compte que ça change beaucoup la perception que les gens vont avoir de la musique, qu'il y a une phase d'explication, des fois je leur traduis des phrases, ça dépend voilà, de mon humeur du soir, mais... tu verras tout à l'heure, le set il va durer une heure ou plus, il y aura bien un quart d'heure de parlotte. Et voilà. Moi, c'est un moment que j'adore aussi, quand je peux faire marrer les gens. Voilà, je ne vais pas me transformer en Didier Super avec un one-man show, mais voilà, côté discussion et faire marrer les gens, c'est aussi un super plaisir, quoi. Mmh. Ah oui, bah tu chames pas en ce moment, hein, si tu t'es fait au moins une dizaine de petits concerts ou de gros concerts, notamment dans les médiathèques. Hier, ou avant, non, c'était quand il y a quelques jours, tu étais à la Seyne-sur-Mer. Samedi, ouais. Et depuis début avril, alors tu as fait Fougères, Mézières... Sur Couesnon. En Bretagne, tu t'es fait Nantes, Saint-Georges-des-Coteaux, Gradignan, toujours en Bretagne, L'Air-sur-l'Adour, ce soir Manosque... Et le 24 mai, Nogent sur Vernisson. Ça fait rêver ça, Nogent sur Vernisson. Et les médiathèques, ça semble être un endroit qui est quand même assez commode finalement. Ah ouais, moi c'est toujours beaucoup de plaisir à jouer en médiathèque. Et assez rapidement, par le biais de voilà, des premières fois où j'ai joué les morceaux, rencontre des bibliothécaires là, sur la scène de l'Antipode. Je me suis un peu fait connaître des bibliothécaires du coin où je vis, qui m'ont programmé chez eux, et puis je me suis rendu compte que c'était top, quoi. Des petites jauges, des lieux sympas, et des gens qui écoutent, c'est surtout ça, quoi, qui me plaît. Les gens qui viennent écouter un concert dans une médiathèque font la démarche de venir, sont dans un lieu où ils ont des habitudes assez calmes la plupart du temps, et voilà, et il y a toujours une super qualité d'écoute, quoi. Donc, pour revenir au mode de diffusion sous licence libre, voilà, que tu disais que tu avais rencontré, donc les gens disaient qu'ils l'ont oublié, mais et que c'est pour ça qu'il était arrivé. Est-ce que tu as. Parce que j'aime. Ouais, j'ai l'impression que tu t'es investi beaucoup dans ce projet-là, mais ça reste un projet amateur. Mmh. Tu as l'air de le défendre, de rester amateur. Est-ce que c'est parce que c'est amateur que tu estimes que tu n'as pas à le vendre numériquement, que du coup tu ne défends pas particulièrement les droits d'auteur parce que ça reste amateur, ou est-ce que juste, si ça devenait professionnel, tu maintiendrais ce choix-là de diffusion? Non, je pense que ça évoluerait si le projet prenait une grosse ampleur. À partir du moment où il y aurait un label, il ne me laisserait pas faire ça de toute façon, sauf si je trouvais un label en musique libre spécialisé là-dedans. Ouais, je ne me suis pas vraiment posé la question. L'intérêt du libre, là, c'était aussi l'intérêt que la musique, qu'elle soit partagée, qu'elle soit... ce que je te disais tout à l'heure, je fais pas la musique pour qu'elle reste pour moi. Je sais pas, j'ai mis le CD en téléchargement sur Bandcamp. Il y a un pélo au début qui l'a téléchargé, c'est un Anglais qui, deux jours après, diffusait un morceau dans sa web radio à Londres, tu vois. Voilà, si j'avais pas mis la gratuité, ça se serait pas arrivé. Enfin, c'est aussi, voilà, pour éventuellement qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent, que... ça facilite la rencontre de la musique avec des gens, quoi. C'est pas du militantisme extrême d'être parti dans la musique libre, c'était quelque chose que je trouvais sympa, qui était en adéquation avec le projet au moment M, et puis je ne sais pas du tout vers où ça va m'emmener, je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres disques, si... Là, tout ce que je vis, c'est déjà une fin en soi pour moi, c'est déjà... Si ça arrête là demain, ça aura déjà été super cool pour moi, tout ce que je vis là, donc on verra. Je sais pas, on a plutôt dit tes influences, mais tes sources d'inspiration en même temps. Qu'on peut trouver amour, famille, rencontre, les causes perdues, la paternité. C'est pas que c'est commun, mais c'est assez universel. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est pas des trucs inventés, c'est des choses que tu vis toi, en fonction de tes morceaux de vie, c'est ça. C'est ce que dire tout simplement. C'est ce que tu proposes. Il la réutilise, il la réutilise pas, mais il faudrait que quelqu'un écrive quelque chose de mieux. Et en même temps, ce que je voulais dire, c'est que si on n'apprend pas au premier degré, on se doute bien que c'est dans la simplicité, je dis pas le dépouillement, qu'on arrive au cœur d'un peu d'authenticité, justement, c'est pas forcément la grande ornementation, que voilà, il y a la matière, quoi. Et dans ces thèmes universels, l'amour, la famille, la rencontre, les causes perdues, la paternité et l'autre, on a l'essentiel de la vie, quoi. Ouais, c'est sûr, de toute façon, l'art en général, ça parle de la vie, de la mort, de l'amour. Il n'y a pas 15 thèmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une chanson engagée. J'en ai une. Sur quel thème ? Sur le mouvement Nuit debout. Que je trouvais très joli et ça a été assez fort par chez moi et voilà, donc on a écrit un truc là-dessus qui est pas hyper engagé mais qui parle plutôt voilà de la liberté et puis du fait d'être plus fort ensemble. Après moi j'en écrirai pas 15 hein, des chansons dans cet esprit là, mais là c'était vraiment le côté poétique de ce mouvement là qui me plaisait. Et je trouvais aussi bien d'être aussi par moment ancré dans un moment aussi, et dans quelque chose d'assez éphémère. Et... Il reprend le projet là. Ouais, c'est vrai, bah, ça repart. Ouais. Ça repart. Donc, c'est sûr que. Voilà, moi j'essaie de plus en plus de partir vers des choses intimes. Et le fait d'être tout seul, c'est aussi plus facile d'être voilà, dans la fragilité, quoi. Quand t'as une machine de guerre autour de toi, trois percussionnistes, cinq cuivres, un orchestre symphonique, et c'est plus dur d'être dans ça, je pense. Là, ce soir, on va être encore plus, parce que quand je suis complètement en acoustique, il n'y a pas de filtre, quoi. C'est, les gens, ils vont vraiment entendre ma voix comme elle sort, et je pense que ça peut être encore plus fort. Voilà, c'était cet entretien avec Ben Kozik, chanteur breton, folk singer, songwriter à l'américaine. Entretien très intéressant et très sympathique, et on vous laisse avec l'enregistrement intégral de sa prestation scénique dans la salle voûtée de la médiathèque d'Herbès à Manosque en ce 23 mai 2017. A bientôt, c'était Commune Oreille sur Radio Zinzine.